Fallait pas dire que les States c'était intouchable. Deux tours après, contre le nom de G.I. mort en Irak. Fallait éviter l'assassinat de ces deux mômes. Bilan trop de mômes, mis à l'amende, à la demande. Fallait app, caricaturer Mahomet. Faut pas se plaindre des bombes, des attaques à main armée. Prendre la tête au capitaine des bleus en finale. Croire que l'histoire des Crips des Bloods terminera en finesse. Bah fallait pas, se fier aux apparences, sourire aux lèvres, H24 toujours en train de faire le pitre. Ce putain de jour de mars, à 19 ans un arbre, une corde au cou et fin du chapitre. Fallait pas, penser que l'artiste aidera à remonter la pente. Famille détruite, trop tard pour affistoler la fente. Fallait pas, maintenant les conséquences sont hales, car les on. Fallait pas trahir ses proches, mentir aux gosses, haïr son prochain. Fallait pas check sa dose, zapper la prose et emprunter le mauvais chemin. Fallait pas retourner sa veste, détester le monde, tenter de créer sans investir. Fallait pas le dire, tant pis si ça blesse les gens avec si peu d'estime. Fallait pas prédire la fin du monde en vain, mentir à ce patient disant qu'on ne combat pas le mal à la racine sans le vaincre. Fallait pas que le cœur de l'Afrique se vende pour des diamants, que le trafic d'armes soit présent mondialement. Fallait pas condamner cette femme à mort pour s'être défendue, tuant par peur son agresseur. Fallait pas placer dans les faits divers le fait qu'il y a encore de nos jours en banlieue des décrochements d'ascenseurs. Certains diront qu'il fallait pas troquer la paix, d'autres diront qu'il fallait pas que Eva aille croquer dans la pomme. Certains se demanderont suis-je le bon, suis-je la plaie, d'autres diront qu'ils pensaient pas un jour sombrer dans l'alcool. Fallait pas que des pays s'enlisent, que leur peuple s'entretue, que des nations s'endettent sans rien dire. Mais au présidentiel 2007, fallait pas vesquer la gauche, tendre sa joue pour mieux prendre la droite en pleine tête. Fallait pas trahir ses proches, mentir aux gosses, haïr son prochain. Fallait pas check sa dose, zapper la prose et emprunter le mauvais chemin. Fallait pas retourner sa veste, détester le monde, tenter de créer sans investir. Fallait pas le dire, tant pis si ça blesse les gens avec si peu d'estime. Fallait pas trahir ses proches, mentir aux gosses, haïr son prochain. Fallait pas check sa dose, zapper la prose et emprunter le mauvais chemin. Fallait pas retourner sa veste, détester le monde, tenter de créer sans investir. Fallait pas le dire, tant pis si ça blesse les gens avec si peu d'estime.